Yeah, yeah, yeah. Ah ouais. Pour de bon, pour de vrai. Je suis prêt à donner ma chemise, mais pas mon caleçon. Il s'est temps que tu réalises et tires-en les leçons. Si le savoir est une arme, j'ai tout plein de munitions. En une lueur d'éclair, je passe direct à l'action. Faut bien dire ce qui est, le monde a changé. C'est plus les mêmes délires sur les terrains de jeu. Tu peux pas rivaliser et tu te sens en danger. Je te vois grand berger, mais pour moi y'a pas d'enjeu. Danger, mais pour moi y'a pas d'enjeu. Danger, mais pour moi y'a pas d'enjeu. Danger, mais pour moi y'a pas d'enjeu. Dangereux. Ça joue les coques de la couche, j'ai roué seul face au vent. Sur les grilles comme des vautours, mange les restes en surveillant. Loin des rapaces et des pigeons, je maintiens cap sur ma mission. Ça joue les coques de la couche, j'ai roué seul face au vent. Sur les grilles comme des vautours, mange les restes en surveillant. Loin des rapaces et des pigeons, je maintiens cap sur ma mission. Rivalité rime avec amitié. Rira bien qui rira le dernier. Récane pas, tu fais des ricochets. Retour de flamme, tu finis couché. Fais pas la patronne, y'a pas débouché. Tu m'emmerdes, tu mets ta nez bouché. Tu peux t'en faire du sale, mais t'es pas douché. J'te rends dans l'âme, mais j'suis pas bouché. Bouché pour les oreilles, sauter les gosses de devant. Mal de ses tapins, fiable comme le vent. Ça m'en font les seins, sans sortir du couvent. Malaisé la seins dans le tout venant. Tête sous l'eau, à contre courant. Pris de haut, ils montent sous les. Si j'finis solo, bye bye les gens. Sans une frelo, signe l'arrogant. J'mets pas de gants, mais j'reste élégant. J'deviens un gâteau, ça va se gâter. J'suis la souris sur le gâteau, alors fais-moi un gâté. Message au gratteur, pour la gratter. J'mets pas de gants, mais j'reste élégant. J'deviens un gâteau, ça va se gâter. J'suis la souris sur le gâteau, alors fais-moi un gâté. Message au gratteur, pour la gratter. Ça joue les coques de la cour, j'y rouette seul pas souvent. Sol et griffes comme des vautours, mange les restes en surveillant. Loin des rapaces et des pigeons. J'maintiens cap sur ma mission. Ça joue les coques de la cour, j'y roue seul pas souvent. Sors les griffes comme des vautours, mange les restes en surveillant. Loin des rapaces et des pigeons. J'maintiens cap sur ma mission.